بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين L'auteur dit رحمه الله le chapitre concernant l'essuyage des خفين que l'on traduira par les chaussons. Donc, quelle est la pertinence de ce chapitre? Pourquoi est-ce qu'il le cite après le chapitre concernant la description des ablutions? C'est parce qu'on va traiter un bedel, un remplacement, une dérogation, qui va donc être l'essuyage des roufs, qui est un remplacement du lavage des pieds. Il dit « Beb », donc on avait expliqué la porte, c'est le chapitre qui permet à la personne de sortir de l'ignorance concernant une notion vers la science, de celle-ci, al-mashu, l'essuyage. Qu'est-ce que al-mash? Donc, dans la langue arabe. Al-mash fil lora. Dans la langue arabe, avant d'en donner le sens législatif. C'est imraru liyadi ala shay. C'est le fait de frotter quelque chose avec sa main. C'est le fait de passer sa main sur quelque chose. Donc, ça, c'est dans la langue arabe. Passer sa main sur le dos d'un animal, ça, c'est un mash. Mashu ra'si al-yatim, le fait de passer sa main sur la tête d'un orphelin, ça aussi c'est le mash dans la langue arabe. Dans le sens législatif, qui est celui visé donc par l'auteur, par Ibn Qudama rahmatullah alayhi ici, dans le titre de son chapitre, c'est isabatul billati li ha'ilin mahsous fi zamanin mahsous. Isabatul billati. Donc c'est le fait de faire atteindre l'humidité, d'humidifier, d'humecter les ha'ilin marsous, donc une barrière spécifique qui se trouve donc sur la peau, les ha'ilin marsous qui vont être donc de quatre catégories dans ce chapitre-là. Le premier, ça va être le khouf, donc le chausson. Le second, al-imama, le turban. Le troisième, al-khimar, le voile. Et le quatrième, al-jabira, qui est le plâtre ou bien le bandage. Fi zamanin marsous, durant une période spécifique que l'on va voir, qui sera de une journée, une nuit pour le résident et de trois jours et trois nuits pour la personne en voyage. Donc qu'est-ce que al-mas' dans le sens législatif? C'est le fait de faire atteindre donc l'humidité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit essuyer avec la main mouillée, ce que disent certains savants? Car il est permis donc d'essuyer, comme on va le voir, avec une serviette mouillée par exemple, ou bien que quelqu'un d'autre nous essuie. Ce n'est pas une condition que la main de l'individu dont les pieds vont être essuyés ou bien la tête, ce soit cette main là qui passe donc humectée sur l'organe à essuyer. Donc ça peut être fait par un outil. C'est pour ça que on donne cette définition isabatul billati, donc c'est humecter, faire atteindre l'humidité, l'ihailin marsous, à une barrière spécifique. Donc on a donné les quatre catégories que l'on va traiter. Fizamanin marsous, durant une période spécifique, un jour pour le résident, trois jours pour le voyageur. Il dit babul mashi ala al-khuffain. Al-khuffain, donc qu'est-ce que al-khuffan? Musanna khuffin, c'est le duel de khuff. Donc le singulier c'est khuffun. Et le duel, c'est khuffan. Vous savez que le duel, à la base, on ajoute un alif et un nun. Babun, une porte. Babani, deux portes. Kitabun, un livre. Kitabani, deux livres. Khuffun, un chausson. Khuffani, deux chaussons. Et al-khuffain, pourquoi est-ce que c'est al-khuffain et non pas khuffan ici? Parce qu'il est majrour, il est dans une position grammaticale où on enlève le alif, on le remplace par un ya. Mais ce n'est pas nous notre sujet là. Donc al-khuffan, c'est le duel de khuff. Yujma'u ala khifaf. Et le pluriel, c'est khifaf. Khifaf, donc c'est le pluriel de khuff. Wal khuffu ma yulbasu ala rijli. Summiya bidhalika li khiffatihi. Dans la langue arabe, qu'est-ce que al-khuff? Et ça, c'est une notion sur laquelle on insiste toujours, de comprendre les définitions dans la langue arabe d'abord, puis ensuite dans le sens législatif, car beaucoup d'erreurs ont lieu, que ce soit dans la aqida ou dans le fiqh, par l'incompréhension, justement, de la différenciation qu'il peut y avoir entre la définition d'une notion dans la langue arabe ou bien dans son sens législatif. Et parfois, considérer la définition dans la langue arabe sera une erreur. Car le hadith ne visera pas la langue arabe, mais visera un sens législatif. De même dans la aqida. Pourquoi est-ce que les murji'a, par exemple, se sont trompés dans la définition du iman shar'i? C'est parce qu'ils l'ont défini par le sens linguistique. Donc, al-khouf, dans la langue arabe, c'est ce que l'on porte au niveau du pied. Et il a été appelé de la sorte en raison de khiffatihi, en raison de sa légèreté. Al-khiffa, c'est la légèreté. Donc le khouf, dans la langue arabe, soyons attentifs, c'est tout ce que l'on met au niveau du pied. C'est ce que l'on met au niveau du pied, min jild, à condition qu'il soit en cuir. Donc ce qui est porté au niveau du pied et qui est composé de cuir, dont la matière est le cuir, c'est un khouf dans la langue arabe. Wafi shara, donc dans le sens législatif, as-satiru lil-ka'bayni fa akthar min jildin wa nahwihi. Dans le sens législatif, c'est ce qui recouvre les pieds jusqu'aux chevilles, c'est ce qui recouvre les pieds jusqu'aux chevilles ou plus, donc il peut monter jusqu'au niveau des mollets, des genoux. Min jildin, donc qu'il soit en cuir, wa nahwihi, ou bien d'une autre matière. Donc le khouf dans le sens législatif, il est plus général que le khouf dans le sens linguistique. Dans le sens linguistique, c'est ce qui est porté, c'est ce qui est porté au niveau du pied et qui est en cuir, alors que dans le sens législatif, c'est ce qui est porté au niveau du pied et qui recouvre les chevilles, et qu'il soit de cuir ou non. باب المسح على الخفين. Ensuite, l'imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi dit: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. Il dit: يجوز المسح على الخفين. Il est permis d'essuyer sur les deux chaussons, sur les chaussons. Il dit: يجوز, il est permis. Donc il est légiféré d'essuyer sur les chaussons, selon le Coran, ainsi que la Sunna, et ainsi que le consensus. Selon le Coran, en raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset d'Al-Ma'ida, « Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha qumtum ila salah, lorsque vous vous levez à la prière, farsilu wujuhakum, lavez-vous les visages, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos bras jusqu'au coude, wamsahu biru'usikum, et frottez ou bien essuyez vos têtes, wa arjulikum. Donc dans des lectures, wa arjulikum ila al-ka'bayn, avec une kasara au niveau du lem. La majorité des lectures, c'est wa arjulakum. Wa, qui est harfu atf, qui est une conjonction de coordination, le et en français. Wa arju lakum, avec la fatha, c'est coordonné donc au premier organe qui a été ordonné de laver, lequel? Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salah farsilu wujuhakum. C'est coordonné à wujuhakum. En revanche, wa arju likum, qui est donc une qira'a authentique, donc on est obligé de l'accepter, wa arju likum, c'est coordonné à ru'usikum. Wa msahu bi ru'usikum. Pourquoi c'est pas ru'usakum? Parce que le bi, qui est un harfu jar, qui est donc une conjonction qui va mettre en position majrura le mot qui le suit, ru'usikum, wa arjulikum, est donc coordonné à ru'usikum. C'est pour ça qu'il a la même position grammaticale qui se traduit par une kasra en dessous du lem. Bi ru'usikum, on a la kasra en dessous du sin, wa arju likum, on a la kasra en dessous du lem, parce qu'il est coordonné à ru'usikum. Cette qira'a, selon les gens de la sunna, selon beaucoup de savants, elle indique donc le caractère légiféré de l'essuyage des chaussons, et non pas le lavage des pieds, comme c'est le cas des chiites, et notamment des rawafid parmi les chiites, qui disent qu'il est permis d'essuyer les pieds. Et ceci est réfuté par les gens de la sunna. Donc ce verset-là indique qu'il est permis d'essuyer les chaussons, et c'est ce qu'a interprété beaucoup de savants. Selon la sunna, il est rapporté dans des hadiths authentiques que le prophète alayhi salatu wassalam a essuyé ses chaussons et il a aussi ordonné d'essuyer les chaussons. An Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة جرير بن عبد الله رضي الله عنه il dit j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم uriner il a ensuite fait ses ablutions et a essuyé ses chaussons. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Et il y avait au temps des compagnons divergence sur l'autorisation ou non de s'essuyer les chaussons, d'essuyer les khoufs. Il y avait des divergences chez les sahabas. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que le verset d'Al-Ma'ida qui ordonne de laver les pieds abrogeait le fait d'essuyer les chaussons. C'est pour ça qu'Ibrahim, donc après avoir après ce hadith-là, Ibrahim al-Nakhai, qui était un grand savant, rahmatullah alayhi, d'El Kufa, il fait partie des chouyours de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il dit, فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثِ Ce hadith plaisait aux compagnons, لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرِ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ Car l'islam de Jarir était après la descente de la sourate Maïda. Jarir était rentré dans l'islam, comme lui-même l'a dit de sa propre parole, dans un hadith rapporté par Ahmed, rahimahullah, qu'il était entré en islam après la descente de sourate Maïda, ce qui rejette donc la possibilité que le verset abroge l'essuyage des chaussons. Il y a aussi al-ijma', le consensus donc des savants, donc pas des compagnons, mais des savants. Et cette notion-là, justement, elle fait partie de celle qui illustre les rares notions où il y a divergence autant des compagnons et consensus après leur époque. Donc l'ijma' concernant la possibilité d'essuyer les khoufs a été rapporté par de nombreux savants dont Ibn al-Mundhir rahmatullahi alayh. Et donc cette notion qui est le fait d'essuyer les chaussons fait partie des spécificités de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Deux grandes sectes rejettent cela. La première, les Khawarij, ils rejettent le fait de pouvoir essuyer les chaussons. La deuxième secte, c'est Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, les chiites, de manière générale, mais de manière plus spécifique, Ar-Rawafid, qui sont des mécréants, comme vous savez, et qui sont la majorité des chiites aujourd'hui existants à notre époque. Donc ils rejettent le fait de pouvoir essuyer les chaussons et disent qu'il faut laver les pieds, qu'il faut essuyer les pieds. الحسن البصري دي حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه حسن البصري رضي الله عنه رحمة الله عليه دي 70 compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم m'ont dit qu'il a essuyé ses chaussons. ابن المبارك رحمة الله عليه دي ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف Ibn al-Mubarak a dit, il n'y a pas, donc dans l'essuyage des chaussons, entre les compagnons divergence. Ceci après que Jarir ibn Abdillah ait rapporté le hadith, mais auparavant il y avait divergence. Donc ce point-là fait partie désormais des points de la aqida des gens de la sunna. Vu qu'il y a des sectes qui le rejettent, certains savants l'ont même fait pénétrer dans la aqida des musulmans, et notamment des gens de la sunna, afin de les différencier donc de Ahl al-Bida', des gens de l'innovation. Donc il dit yajouz, il est permis d'essuyer sur les chaussons. Quel est le statut d'essuyer sur les chaussons? On avait vu que al-ahkam al-taklifiyya était au nombre de 5. Les statuts responsabilisants, entre guillemets, sont au nombre de 5. L'obligatoire, al-wajib, le mustahab, le recommandé, al-mubah, le permis, al-makruh, le détestable, et al-haram, l'interdit. Ça, ce sont 5 statuts, donc responsabilisants. On a ce qu'on appelle al-ahkamu al-wada'iyya. On a ce qu'on appelle les statuts wada'iyya, qui sont des jalons, des bornes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre sharia. Et ils sont au nombre de 7. Al-sabab, qui est la cause. Par exemple, le coucher du soleil est une cause pour faire salat al-maghrib. C'est une cause pour faire salat al-maghrib. As-sabab, as-shart, la condition. Par exemple, les ablutions pour faire la prière. As-sihhatu, l'authenticité. Quand quelqu'un fait sa prière avec tous les piliers, avec toutes les conditions, on dit salatun sahiha. Ça, c'est un jugement qui est établi sur sa prière. Al-butlan, c'est la nullité. C'est la contraire de as-sihha. Et al-fasad, c'est proche de la nullité. Il y a une petite variante, mais on n'entre pas là-dedans. Et il y a al-rukhsa, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et al-azima. Al-rukhsa, la dérogation, et al-azima, c'est ce qui va à l'encontre de al-rukhsa. Donc l'essuyage des chaussons, c'est une rukhsa, c'est une dérogation. C'est une dérogation. Qu'est-ce que al-rukhsa ? Quand je pars en voyage, j'ai la rukhsa, la dérogation de rompre mon jeûne. Est-ce que je suis obligé, puisqu'étant en voyage, de rompre mon jeûne ? Non, c'est une rukhsa, c'est une dérogation. Donc la azima, ici, c'est le lavage des pieds. La rukhsa, la dérogation ici, c'est l'essuyage des chaussons. Et la différence donc entre la rukhsa et la azima, c'est que la rukhsa, il n'est pas permis de la faire par péché. Il n'est pas permis de l'utiliser pour le péché, alors que la azima, hein, qu'on soit en péché ou pas, la azima, on est obligé de la faire. Exemple, les savants, on va arriver à ça, au voyage, mais on le traite maintenant pour illustrer. La majorité des savants ne donnent pas la permission à celui qui part en voyage et dont le voyage à la source est fait pour un péché. Quelqu'un qui se déplace pour aller voler, par exemple. Quelqu'un qui se déplace, donc qui parcourt la distance du voyage, pour aller forniquer. Ou pour faire tout autre péché. Il a ses khoufs. Lui est-il permis d'essuyer ? Non. Parce que la rukhsa, donc qui est une dérogation, elle n'est pas permise pour pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants s'appuient sur le hadith donc de Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna » Celui qui fait un acte dont, sur lequel il n'y a pas notre ordre, dont il n'a pas reçu notre ordre, « Fahuwa rad » Il est réfuté. Allah subhanahu wa ta'ala donc, a permis d'essuyer sur les chaussons, c'est pour travailler les buts de la sharia. Et permettre à cette personne-là d'essuyer ses chaussons alors qu'il a fait son voyage à la source pour pouvoir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aider donc dans son péché et c'est aller à l'encontre d'Allah et du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors que la azima, on est obligé de la faire. Si quelqu'un part en voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour voler, pour forniquer ou autre et que c'est l'heure de la prière, à ce moment-là, il ne peut pas, on ne lui dit pas, tu ne fais pas la prière parce que ton voyage est fait par péché, car la azima se différencie de la dérogation à ce niveau-là. Donc on revient à la ibara, l'expression du sheikh, rahmatullah alayhi, yajouz ul mas'u ala al-khuffain. Donc il a dit yajouz, il est permis. On a dit que le mas'u ala al-khuffain, l'essuyage des chaussons, c'est une rukhsa. Ça n'entre pas dans les cinq statuts. Donc responsabilisant, haram, interdit, recommandé, permis, détestable, obligatoire. C'est une rukhsa, ça entre dans l'une des sept ahkam wad'iyya. Donc ils sont des jalons, des bornes, des signes mis en place par la sharia. La rukhsa, elle va subir les cinq statuts responsabilisants. La rukhsa, elle peut être interdite. Elle peut être makruha, détestable. Elle peut être permise, elle peut être recommandée et elle peut être obligatoire. Ici, il a dit « yajouz », il est permis. Donc, on en écarte deux. Le détestable et on écarte aussi l'interdit. Donc, pour le shir, s'il dit « yajouz », ça veut dire que l'essuyage des chaussons et de ce qui va ensuite être cité, c'est soit permis, soit recommandé, soit obligatoire. Et notamment, c'est recommandé ou obligatoire, car c'est une ibada, car c'est une adoration. Donc, quand est-ce que c'est recommandé et quand est-ce que c'est obligatoire? Essuyer ses chaussons, c'est mustahab lorsqu'on les a sur soi. Lorsqu'on a ses chaussons sur soi et qu'on a perdu ses ablutions et qu'on veut faire ses ablutions, le prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a cité Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, ma kana yatakallafu halan ghayra halihi alladhi huwa alayhi. Il ne se chargeait pas de se mettre dans une situation contraire à celle qui est la sienne dans le présent. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait ses chaussons, qu'il perdait ses ablutions, qu'il voulait faire ses ablutions, il n'enlevait pas ses chaussons pour laver ses pieds. En revanche, si le prophète alayhi salatu wassalam avait ses khoufs sur soi, n'avait pas ses khoufs, et qu'il allait perdre ses ablutions, est-ce qu'il mettait rapidement ses chaussons pour pouvoir utiliser la dérogation, la rohsa, essuyer sur ses chaussons? Non, cela ne fait pas partie de son hadi. Ceci ne fait pas partie de sa sunna alayhi salatu wassalam. Donc, quelle est la sunna concernant l'essuyage des chaussons ou bien le lavage des pieds? C'est de faire ce qui nous est demandé suivant notre état. Si je suis pieds nus et que je vais perdre mes ablutions, je sens que je vais perdre mes ablutions, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'émettre des gaz, ou bien j'ai envie d'aller dormir. Est-ce que je mets mes chaussons juste avant de dormir pour pouvoir, lors de mon réveil, essuyer? Je peux, j'ai le droit, yajouz, mais ce n'est pas la sunna. Si je sens que je vais émettre des gaz et que je suis pieds nus en état d'ablution, est-ce que je peux mettre mes khoufs pour ensuite émettre mes gaz et ensuite profiter de la dérogation et essuyer, non pas laver mes pieds après? Il est permis, mais ce n'est pas la sunna, etc. Et de même, si j'ai mes khoufs et que je perds mes ablutions et que je veux faire mes ablutions, je n'enlève pas mes khoufs pour ensuite laver mes pieds. Donc on arrive au point sur lequel débattent certains savants, qu'est-ce qui est mieux, laver les pieds ou bien essuyer sur ses khoufs? La réponse, c'est faire ce que la situation implique. Donc si j'ai mes khoufs, je perds mes ablutions, je ne les enlève pas pour pouvoir donc mettre laver mes pieds. Et si jamais je suis en état d'ablution et pieds nus, je ne mets pas rapidement mes khoufs pour pouvoir ensuite profiter de l'essuyage des chaussons après avoir perdu mes ablutions. Car le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait pas cela, mais c'est permis. Cela reste permis. Donc il y a jouz. Donc ça, c'est permis. Quand j'ai mes chaussons, c'est mustahab. Quand j'ai mes chaussons, c'est mustahab, donc, de essuyer les chaussons et de ne pas les enlever. Et même certains savants ont dit que le fait de les enlever pour pouvoir laver les pieds, cette notion-là est une ressemblance aux chiites. Le fait d'enlever ses chaussons pour pouvoir laver les pieds, dans cette petite juz'iyya, dans cette petite notion restreinte, c'est une ressemblance aux chiites, car eux ne veulent pas essuyer les chaussons et disent qu'il faut essuyer les pieds. Quand est-ce que ça devient obligatoire? Dans certains cas, les savants citent par exemple, quand est-ce que la rohsa prend le caractère wajib? Lorsque quelqu'un fait ses ablutions et qu'il arrive à ses pieds et qu'il n'a plus assez d'eau pour pouvoir essuyer ses pieds et qu'il a ses chaussons, mais il a de quoi essuyer les chaussons, à ce moment-là, la rohsa n'est plus mustahabba, elle n'est plus recommandée, mais obligatoire. Quelqu'un fait ses ablutions, il arrive au niveau des pieds et il a ses khoufs sur lui. Et il n'a pas assez d'eau pour laver ses pieds. Et notamment si la prière va sortir de son heure. À ce moment-là, il est obligé d'essuyer ses pieds pour enlever son hadith. On avait expliqué ce qu'était le hadith. Et ensuite pouvoir faire sa prière. Donc on a dit que c'était une rohsa et que c'était soit permis, soit recommandé, soit obligatoire. On a donné la définition du khouf. On a dit dans la langue arabe ce que c'était. Et ça, c'est important à retenir. Dans le reste du dar, ça aura une implication extrêmement importante. Le khouf, dans la langue arabe, c'est ce qui est porté au niveau du pied et qui est en cuir. Ma yulbasu fi rijli min jildin. Ça, c'est dans la langue arabe. Fi shar'i as-satiru lil ka'baini fa akthar min jildin wa nahwihi. C'est ce qui recouvre le pied jusqu'aux chevilles ou bien plus, qu'il soit en cuir ou d'une autre matière. Donc dans le madhhab al-Hanbali, il y a plusieurs conditions pour pouvoir essuyer sur les khouf. Pour pouvoir essuyer sur les khouf. On va les citer une à une, inshallah, et on va les commenter. La première condition, c'est que le khouf soit pur. Donc il est interdit d'essuyer sur un khouf najis. Un najis, ce n'est pas le mutanajis. Un najis, c'est celui qui est impur en lui-même, de sa matière. Donc il est interdit d'essuyer sur un khouf en cuir de porc, par exemple. En cuir de chien, nous avons choisi, on avait dit, donc dans Babu Ahkam al-Miyah, que Al-Kelb Najisul Ayn, que le chien, il est complètement impur. Donc un khouf fait d'une matière impure, il n'est pas permis d'essuyer dessus. Ça c'est clair, parce qu'après on ne peut pas, même pas prier dessus. Ammal mutanajjis, celui qui est, donc qui porte une impureté. C'est un khouf pur. C'est un khouf qui est pur. Et dessus, il y a par exemple des gouttes d'urine, ou il y a un morceau d'excrément, ou il y a une goutte de sang supérieure au qalil qu'on avait vu. La petite quantité de sang, on avait vu qu'elle était pardonnée. Si jamais il y a une impureté sur ce khouf qui est pur à la base. Dans le madhhab Hanbali, si jamais l'impureté, elle n'est pas sur l'endroit où on essuie. Donc pour un khouf qui passe au-dessus des chevilles, si l'impureté elle est au-dessus des chevilles. Ou si l'impureté elle est en dessous du pied, il est permis d'essuyer. وَإِزَالَةُ الْخَبَثْ مَشْرُوطَ عِنْدَ الصَّلَةِ. Et enlever le khabath, donc l'impureté, ça c'est une condition lorsqu'on veut faire la prière. Mais l'essuyage des chaussons qui est un raf'u hadath, ce n'est pas une condition qui est une tahara du khabath pour pouvoir essuyer le chausson. Comme si je voulais faire mes ablutions. On ne parle plus de chaussons maintenant. J'ai pas de chaussons. Je veux faire mes ablutions. J'ai du sang dans le dos. Supérieur au yassir ladhi yu'fa. Supérieur à la quantité minime qui est pardonnée. Je veux faire mes ablutions. Hal yushtaratu an yuzal hadha ad-dam? Est-ce qu'il est conditionné d'enlever ce sang? Li raf'i al-hadath al-asghar, pour pouvoir enlever le hadath al-asghar, 'inda al-hanabila? Non. C'est ce qu'on choisit, inshallah. On reste sur le madhhab. Dans d'autres, chez le Maliki et d'autres, on est obligé de laver tout le khouf pour pouvoir essuyer le khouf. Ce point est compris. Donc le khouf qui est pur mais qui possède une impureté sur lui, si l'impureté se trouve en dessous ou bien au-dessus des chevilles, donc pas sur l'endroit qu'on essuie, même au niveau du talon, on verra que nous, au niveau du talon, on n'essuie pas. Donc même si c'est au niveau du talon, en dessous ou au-dessus des chevilles, qu'il y a une impureté, il est permis d'essuyer, mais lors de la prière, il faut enlever, inshallah, ce khabath, cette impureté. Deuxième chart, an yakuna mubahan li'aynihi. Qu'il soit donc licite. Li'aynihi ou li'ghayrihi. Qu'il soit licite, donc pour ce qu'il est lui-même, ou ghayrihi, ou bien en raison d'une raison externe. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il est interdit d'essuyer sur le khouf, par exemple, pour l'homme qui est en soi. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit: "Uhilla hadani li dhukuri li inathi ummati wa hurrima ala dhukurihim." Ou comme a dit alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a pris de la soie et de l'or et il a dit: "Ceci a été interdit pour les mâles de ma communauté, rendu licite à leurs femelles, aux femmes." Donc la soie est interdite, le port de la soie est interdit pour l'homme. Donc il est interdit pour l'homme d'essuyer sur un khouf en soie ou d'une autre matière interdite pour l'homme. Donc il n'est pas permis d'essuyer sur un khouf qui n'est pas moubah. Donc ça c'est le moubah, li'aynihi hadha ghayru moubah. Celui-là il n'est pas moubah, il n'est pas permis parce qu'il est lui-même. Ou li ghayrihi lil ghasbi was-sariqa mathalan, comme le khouf volé. Donc un khouf qui est pur, qui à la base est permis d'être porté, un khouf qui est volé et que la personne met, est-il permis d'essuyer sur ce khouf là? Chez le Hanabila, il n'est pas permis d'essuyer sur ce khouf. Et s'il essuie, son hadath la yartafi', son hadath n'est pas enlevé, donc il n'est pas en état de pureté. Chez d'autres savants, il y a des détails, mais on reste sur le madhhab. Wallahu a'lam. Et c'est le La même preuve que ce qu'on avait dit concernant Safarul Ma'siyah, concernant le voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On se base sur le hadith de Aïcha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait un acte. Et surtout cette riwaya est plus importante que man ahdatha fi amrina. Hadha ma laysa minhu fa huwa rad. C'est cette version sur laquelle il faut s'appuyer. Man amila amalan, donc man masaha ala khufayhi laysa alayhi amruna. Allah n'a pas ordonné d'essuyer sur le khuf qui est volé. Na laysa alayhi amruna sariqatu al khuf. Il n'est pas permis de voler le khouf. Fahwarad, ceci est réfuté. Et on avait dit que la sharia n'aide pas à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et permettre aux voleurs d'essuyer sur le khouf volé, ça c'est mu'arada lillahi wa rasoul, c'est aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète dans la législation. Mais dans d'autres madhab, c'est permis, on reste selon la parole des hanabila. Troisième, an yakuna satiran lil mafroud, qu'il recouvre donc la partie qui à la base est obligatoire d'être lavée. Donc il faut que ça recouvre le pied jusqu'aux chevilles. Il faut que le khouf obligatoirement recouvre cela. Car le remplaçant prend le statut du remplacé. À la base, il est obligatoire de laver jusqu'à la cheville et le khouf est un remplaçant, il doit prendre ce statut-là. Et ça, c'est chez la majorité des fuqaha. Quand on dit satiran lil mafroud, donc ça c'est la base dans le khouf. On arrive à une notion qui est al khouf al mukharraq, le khouf qui est troué. Donc ça c'est un long point chez les fuqaha. Fa al-ilmu 'inda Allah 'azza wa jalla, nous on choisira la parole, une parole existante dans le madhhab Hanbali qui est la parole d'Ibn Taymiyyah rahmatoullah alayh, tant que al kharq, tant que le trou la yaslabuhu musamma al khouf fayajuz bi idhnillah. Tant que le trou ne retire pas au khouf sa nomination en tant que tel, comme khouf, il est permis d'essuyer. Il est permis. Donc si le trou n'a pas pour conséquence que lorsqu'on regarde ce khouf, on dit ce n'est pas un khouf ça. Tant qu'on regarde le khouf, on dit ça c'est un khouf, fi urfinnes, donc c'est reconnu comme étant un khouf chez la majorité des gens, il est permis d'essuyer. Mais l'afdal, le mieux, wallahu a'lam, c'est de délaisser l'essuyage sur ce type de khouf. Mais bihaoulillahi azzawajal, wallahu a'lam, kathir min al-muhaqqiqin yaquluna bil jawaz. Beaucoup de savants disent que c'est permis. Wal-ilmu indallah. Et ceux qui ont dit que c'est pas permis, donc d'essuyer sur le khouf troué, ils ont dit parce que lorsqu'il y a trou, donc il y a la peau qui apparaît. Et la base dans cette peau-là, c'est le lavage, al-rasl. Et sur le reste du khouf, c'est le mas'h. Donc on a réuni le rasl et le mas'h, et ça ce n'est pas permis. Donc on est obligé de revenir à la base qui est le rasl, le lavage de tout le pied. Et ça c'est critiqué par beaucoup. Que même la shéria elle a permis ça. On verra pour le jabira par exemple, pour le plâtre, celui qui a un plâtre du coude à mi-bras, il lui est permis donc de laver, il est même obligé de laver la partie du bras qui n'est pas couverte et d'essuyer le reste. Ibn Taymiyyah, il a dit wa hadha batilun bil ijma'. Quand il a répondu à ça, il a dit hadha batilun, yani adam al jam' bayna al mas'h wal ghasl fi shar' hadha batilun bil ijma'. Il a dit le fait de ne pas pouvoir réunir le lavage et l'essuyage dans notre législation, il a dit ça c'est nul selon le consensus des savants, Allah a'lam. Quatrième shart, imkan muwasalat al mashi alayhi 'urfan. Ça c'est le plus important, ça. Ça il faut bien écouter ce shart que l'on va citer là. On va rester longtemps sur le dars à expliquer ça, inshallah. La capacité de marcher avec ses khoufs, donc de pouvoir marcher avec dehors, urfan. C'est-à-dire que c'est un chausson, chaussure. On reste sur le mot khouf de manière volontaire, car on verra qu'il y a plein d'unités se trouvant dessous. Il faut que ce soit un khouf qui est utilisé pour sortir, pour marcher. Et ça, on va illustrer. Et c'est un chart qui est important. Et il existe dans les quatre madhhab. Dans les quatre madhhab, ce chart, il est pris en condition. Et ça, c'est chez les mu'assirines, chez les contemporains, qu'on trouve qu'ils disent la dalil alayh. On va nous expliquer de manière détaillée, biznillah, si on trouve le temps, pourquoi est-ce que les fuqaha se sont arrêtés à ce chart. Il faudra très bien se concentrer, Inch'Allah. Donc la capacité de marcher avec. Pouvoir marcher avec urfan. Donc il y a deux notions à prendre ici. C'est que c'est quelque chose qui est utilisé par le peuple pour marcher avec, comme c'était le cas des khouf et du jawarab, comme on verra au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Ils marchaient avec, dehors. Donc ça, c'est urfan. Mais aussi, imken muwa salatul mashi, il ne faut pas que ce soit quelque chose donc, qui se casse, qui tombe lorsqu'on marche avec. Pour ça que les fuqaha parlaient par exemple du khouf min zoujej, le khouf envers. Ils disaient, ce n'est pas permis, pourquoi? Tu vas faire un pas, deux pas, trois pas, ça va se casser. Donc ils ne permettaient pas d'essuyer dessus. Car on ne peut pas marcher avec, mais il y a aussi le urf qui est important, que l'on verra, Inch'Allah. Cinquième condition, an yathbuta muddat al-mashi bi nafsihi aw an-na'layn 'ala al-madhhab. Dans le madhhab Hanbali, il faut que le khouf, il tienne de lui-même, ou bien avec les sandales. Car ce sont les deux cas qui ont été rapportés dans la sunna. Donc il faut qu'il tienne tout seul pendant toute la durée. Quand on dit tout seul, parce que qu'est-ce que c'était que le khouf au temps du prophète alayhi salam? Et c'est là que tout notre dars va tourner autour de ça. Qu'est-ce que c'était que le khouf au temps du prophète alayhi salatu wassalam? C'était quelque chose qui, lorsqu'on le prenait sur la main, ça tenait. C'était quelque chose de rigide, que ce soit en cuir, en laine épaisse, quel que soit ce qui a été essuyé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, au niveau des pieds, que ce soit le khouf ou le jawrab, je ne m'étale pas dans le jawrab qu'on va y arriver inshallah, c'était quelque chose qui tenait par soi-même, qui tenait de soi-même. C'est pour ça que dans le madhhab Hanbali, la parole majoritaire, l'imam Ahmed s'est beaucoup étalé là-dessus, même ce qui est tenu par des ficelles par exemple, une chaussette qui tombe comme ça, quand je la prends, comme nos chaussettes à nous, elle tombe. Je la mets, je la tiens avec une ficelle. Chez l'imam Ahmed, dans une riwaya, dans la majorité de ses paroles, tu ne peux pas essuyer. Et lui, c'est le plus laxiste. Chez les autres madhhab, on ne parle même pas. Chez les trois autres madhhab, on ne parle même pas de ça. Sauf chez Abu Hanifa, chez Mohamed ibn al-Hassan et Abu Yusuf, on verra ça. Je ne veux pas trop rentrer dans la divergence pour que ça reste simple. Ça, dans le madhhab Hanbali, ce n'est pas permis. Sauf s'il y a les sandales qui tiennent. Parce que c'est rapporté donc par beaucoup de compagnons. Mais dans la sunna, c'est rapporté par le Mughira ibn Shu'bah, mais on verra que le hadith il est faible chez la majorité écrasante, même tout le monde dans les premiers siècles. Il n'y a que à cette époque, aujourd'hui, on l'a authentifié, et Tirmidhi ibn Hibban dans les premiers. Et comme l'imam Nawawi a dit, on verra que tous ceux qui l'ont affaibli, pris individuellement, ils sont tous au-dessus de Tirmidhi sans aucune divergence chez les savants du hadith. Donc chez l'imam Ahmed, à la base, il faut que ça tienne par soi-même ou par les sandales. Mais bi'idhnillah azza wa jal, ce charte-là, cette condition-là, wallahu a'lam, elle n'a pas réellement un délil. Elle n'a pas réellement un délil, notamment si jamais pendant toute la journée pour le résident ou pendant les 72 heures pour le voyageur, c'est tenu, que ce soit par une ficelle, une épingle ou toute autre chose. Tant que la yadharu mahallul fard, tant que l'endroit qui devait être lavé à la base, l'endroit de lavage obligatoire, donc tout le pied jusqu'à la cheville, n'apparaît pas pendant toute la période, c'est bon. Donc on fait simple, le résultat, c'est que le khouf et tout ce qui prend le statut du khouf doit tenir donc sur le pied en recouvrant jusqu'au-dessus de la cheville de soi-même ou tenu par autre chose. Chez l'imam Ahmed, dans la parole majoritaire, même les élastiques là, les élastiques, non, ce n'est pas bon. Parce que la chaussette, elle ne tient pas d'elle-même quand tu la prends en dehors du pied. Chez l'imam Ahmed, il faut qu'en dehors du pied, elle tienne. Quand tu la mets, ensuite elle tient. Là, la chaussette, elle ne tient pas. Elle tient parce que l'élastique vient se serrer donc au mollet. Et ça, chez le Qudama, ça n'entre même pas dans le khouf, comme on va voir. Ça n'existait pas, ça n'entre même pas dans ce sujet-là. Donc, an yathbuta muddat al-mashi bi nafsihi aw an-na'layn 'ala al-madhhab wa as-sahih annahu yushtaratu ath-thubut mutlaqan walaw bighayrihi wa bighayri an-na'layn. Donc nous, ce que l'on choisit, c'est que il suffit que ça tienne avec sandales ou sans sandales, peu importe du moment que ça tient. Donc même avec des élastiques comme ça ou autre. Sixième condition, an la yasif al-bashara, qu'il ne montre pas la peau. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la couleur de la peau. On ne voit pas si c'est une peau blanche, une peau noire, une peau marron. On ne voit pas la couleur de la peau. Ils ont dit parce que al-awra, donc en prière, on doit cacher notre awra. Et si on met un vêtement qui est transparent, qui recouvre toute la awra, est-ce que la awra elle est mustura? Est-ce que la awra elle est cachée? Non, elle n'est pas cachée. Mais ici, il y a différence. Car ce n'est pas une awra. Vous me suivez? Ce n'est pas une awra. Que ce soit couvert ou non. Qu'on voit la peau ou non. Alors que dans la awra, ça c'est une condition que la matière ne soit pas, ne permette pas de voir la peau. Ensuite, septième condition, an yalbisahuma ala tahara, qu'ils les mettent donc en état de pureté complète. Il faut qu'ils mettent les khouf en état de pureté complète. Et la preuve de cela, an al-Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه. المغيرة بن شعبة. Et la plupart des hadiths de mas'al al-khufayn, de l'essuyage des chaussons, tournent autour de son compagnon رضي الله عنه وجزاه الله خيرًا عن المسلمين. C'est lui qui a rapporté quasiment la majorité de la sunna à ce niveau-là. Il dit, j'étais donc avec le prophète alayhi salat wa salam une nuit fi masir, donc en déplacement. Il a dit donc, j'ai pris le récipient et j'ai versé sur le prophète alayhi salat wa salam. Il a lavé son visage, puis ses bras, ses deux bras, il a essuyé sa tête, puis je me suis baissé afin de lui enlever ses khouf. Et il me dit, alayhi salatu wa salam, laisse-les, je les ai entrés en état de pureté. Je les ai entrés tous deux en état de pureté. C'est-à-dire, mes deux pieds étaient en état de pureté lorsque j'ai mis mes khoufs. Et ici, on arrive à un point, donc, qui est-ce qu'il est permis de mettre le khouf droit dans le pied droit avant que le pied gauche soit lavé? Est-ce qu'il est permis de mettre le khouf droit dans le pied droit avant que le pied gauche soit lavé? Certains savants disent que oui, certains disent que non. Wallahu a'lam, il n'est pas permis. L'ilmu indallah. Pourquoi? Car la pureté, la notion de pureté, elle n'est pas divisible. Est-ce que le pied droit peut être qualifié comme étant pur tant que le pied gauche n'est pas lavé? Lorsque je me lave trois fois les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, je m'essuie la tête, je me lave le pied droit, est-ce que le pied gauche, il est en état de pureté? Non. Même rien en réalité n'est en état de pureté. Si jamais je me lave les bras, je m'essuie la tête, je me lave les pieds, je veux toucher le courant, est-ce que lorsque je suis à mon pied droit, je l'ai lavé, je n'ai pas encore lavé le pied gauche, je peux toucher le mushaf et je dis le hadith de la main est enlevé? Non. Le hadith de la main n'est pas enlevé, je n'ai pas le droit de toucher le mushaf. Donc de même ici, le pied gauche n'a pas perdu son hadith, ni tout le corps d'ailleurs. Et le prophète alayhi salat wa sallam a dit, inni adkhaltuhuma, je les ai rentrés tous les deux, tahiratayn, en état de pureté. Fallah a'lam, le plus sûr et ce qui paraît vraiment le plus authentique, c'est de mettre les khouf après avoir lavé les deux pieds. Car à ce moment-là, le hadith est enlevé de manière complète. Ensuite, je mets donc mon khouf droit, puis mon khouf gauche, wallah al. Donc ça, c'était les conditions concernant le fait d'essuyer les khouf. On revient à la ibara, à l'expression du Cheikh rahmatullah alayhi qui dit yajuzul mas'hu ala al khufayn. Il est permis. On a expliqué ce qui était visé par permis. Al mas'hu, on a expliqué al mas'hu ala al khufayn. On a expliqué al khufayn. Wa ma ashbahahuma. Et ce qui leur ressemble. L'expression est importante. Wa ma ashbahahuma min al jawaribi. Donc comme moi, je vais traduire par jawarib, parce que traduire par chaussettes, les gens vont penser qu'on parle des chaussettes aujourd'hui contemporaines. Nous, on va traduire par chaussettes, mais ça ne renvoie pas aux chaussettes contemporaines, comme on va le voir. Wama ashbahahuma, et ce qui ressemble donc au khouf comme chaussettes, as-safiqa, épaisse, allati tathbutu fil qadamain, qui tiennent au niveau des deux pieds. Donc, on a expliqué ces deux conditions, as-safaqa, on a expliqué l'épaisseur. On a dit qu'il fallait qu'il soit épais, donc il ne montre pas la couleur de la peau et qu'on puisse marcher avec dehors, التي تثبت في القدمين, et qu'elle soit fixe au niveau des pieds, qu'elle ne descende pas lorsque l'on marche avec. والجراميق, c'est le pluriel de جرموق. C'est le pluriel de جرموق avec un damma sur le jim. Et il y a divergence au niveau des linguistes, qu'est-ce que الجرموق, mais beaucoup disent que هو خف قصير يلبس في البلاد الباردة. C'est un خف court que l'on porte dans les pays froids. Et d'autres disent que c'est un khouf long qui monte au niveau des mollets. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, c'est un chausson qui ressemble au khouf. Allati tujawizu al-ka'bayn, qui dépasse donc les deux chevilles. On a aussi parlé de cette condition-là. Donc on va arriver au point qui est al-mas'hu 'ala al-jawarab. Car le cheikh a dit, donc après avoir cité al-khouf, il parle du mas' ala al-jawarab. Qu'est-ce que al-jawarab au temps des salaf rahmatullahi alayhim? Ça, c'est un point extrêmement important, le plus important du dars. Il demande beaucoup de concentration. D'abord, est-ce que le mas' ala al-jawarab, il est légiféré? L'authentique, c'est qu'il est légiféré. Il y a divergence dans les madhab, mais l'authentique, c'est que il est légiféré. Quelles sont les preuves de cela? La pratique des compagnons, radiyallahu anhu, il est rapporté de manière authentique avec des SNI, des chaînes de transmission authentiques, que de nombreux compagnons, radiyallahu anhum, ont essuyé al-jawarabayn, ont essuyé leurs deux jawarab, chaussettes entre guillemets. On verra ce que c'est qu'une chaussette à leur temps. Parmi eux, Abu Mas'ud al-Ansari, qui est Uqba ibn Amr, radiyallahu an, Anas ibn Malik, radiyallahu an, Al-Bara ibn Azib, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, Abu Umamata al-Bahili, radiyallahu anhum, ça c'est avec des asanid sahiha. A la kulli hal, un compagnon suffit tant qu'il n'a pas de mu'arid, de mukhalif, tant que personne ne va à son encontre pour pouvoir légiférer l'acte. Et notamment, idhan tashar fa huwa ijma'. Et si jamais cet avis juridique, il s'est répandu, ça devient un ijma', un consensus, car les compagnons ne se taisent pas face à quelque chose qui va à l'encontre de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais aussi al-qiyas, le raisonnement analogique. En ce qui concerne le hadith de al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, qui dit anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a wa masaha 'ala al-jawrabayn wa an-na'layn. Rawahu al-arba'a. On avait dit c'était qui l'arba'a? Al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Abu Daoud ibn Majah. Ce hadith-là, il y a une grosse divergence aujourd'hui sur ce hadith. Dans les premières époques, parmi les premiers min al-kibar, seulement al-Tirmidhi l'a authentifié. Seulement Tirmidhi l'a authentifié. Après lui, Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi. Ibn Hibban. Et ensuite, l'ont suivi d'autres. Al-Qasimi, il a un célèbre épître qui est Al-Mas'hu 'ala al-Jawrabayn, que Cheikh Al-Albani a repris à commenter, et il a appelé son commentaire Tamamun Nasr fi Ahkam al-Mas'h. Al-Qasimi authentifie aussi ce hadith-là, Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi aussi, et Cheikh Ahmed Shakir rahmatullah alayhi lui aussi authentifie ce hadith-là. Ce hadith, donc ceux qui l'ont authentifié, ils disent que Al-Mughira ibn Shu'ba a décrit une autre situation que celle qu'il avait l'habitude de décrire, car Al-Mughira ibn Shu'ba, donc dans de nombreux hadiths, a dit qu'il a vu le prophète alayhi salatu wa sallam essuyer sur ses deux khoufs, point. Il n'ajoutait pas les deux sandales. Et ici, il a ajouté les deux sandales. Et les premiers, Al-Jumhur yudha'ifuna hadha al-hadith. Ils l'affaiblissent. Ils affaiblissent ce hadith-là. Qui parmi eux, je vais les citer. Ceux qui affaiblissent ce hadith-là. Il y a Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, wa huwa man huwa fi ilm al-ilal. Et c'est quelqu'un dans la science des ilal, donc du défaut subtil au niveau de la chaîne ou bien du texte. Hada min jibali hada al-amr. C'est une montagne dans cette science-là. Abdurrahman ibn Mahdi, aussi, il a affaibli. Yahya ibn Ma'in, lui aussi c'est un jebel, c'est une montagne, il a affaibli. Sofiane al-Thawri, aussi il a affaibli. Et il n'y a qu'une seule route dans ce hadith-là, et elle passe par Sofiane Thawri. Toutes les routes passent par Sofiane Thawri, il n'y en a qu'une d'ailleurs. Et Sofiane Thawri lui-même a affaibli ce hadith-là. Et lui-même dit qu'il est permis d'essuyer sur les jawrab. Mais il s'appuie sur autre chose, comme on va le voir. Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, lui aussi c'est une montagne, il affaiblit al-Bukhari. Min ghayri ta'liq, Muslim, rahmatullah alayh, Abu Daoud, al-Nasa'i, ad-Dharqutni wa ma adrak, fi 'ilm al-'Ilal wa al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi. Tout cela yud'ifuna al-hadith li'illatin qadiha. Et quand ces montagnes-là tous ils se sont mis d'accord, comme a dit le كثير la wajha li tashih. C'est pas la peine de chercher. مع احترامنا للجميع لشيخ شاكر وشيخ الألباني والترمذي ابن القيم رحمه الله écoutez ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé donc de l'avis de l'imam Ahmed concernant المسح على الجوربين وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس أبي قيس c'est celui qui a rapporté selon Mughira ibn Shu'bah وهذا ضعفه الأكثرون وهذا من عدله وإنصافه. Je répète, وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس وهذا من عدله وإنصافه رحمه الله تعالى وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. ابن القيم دي رحمة الله عليه دي كلمام أحمد donc il a écrit de manière claire qu'il est permis d'essuyer sur les deux jawarab, entre guillemets, deux chaussettes, dans le sens que l'on va définir nous et pas dans le sens aujourd'hui que l'on connaît. وَعَلَّلَ رِوَايَةَ أَبِي قَيْسِ. Et donc, il a dit que la version d'Abi Qays, le hadith de Mughira ibn Shu'bah, est un hadith faible. وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ وَإِنْصَافِ. Et ceci fait partie donc de sa justice et de sa justesse et son équité. Rahimahullah. Car الْعَلِمَ رَبَّانِي لَا يُصَحِحْ لِغَرَدْ. Il n'authentifie pas pour un intérêt. كما يفعل بعض أهل البدع. Comme font certains innovateurs. يصححون لنصرة المذهب. Beaucoup font ça. Ils authentifient pour pouvoir authentifier la parole du shaykh. Ou bien parfois ils mentent pour pouvoir annuler la parole d'un autre madhhab. Ça existait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, l'imam Ahmed, bien que le hadith l'aide, donc dans son opinion, mais lui, il n'a pas une opinion de manière dépendante. Yadoru ma'al wahi haythudar. Il est avec la révélation où elle est. Donc si le hadith est authentique, il l'authentifie. S'il est faible, il l'affaiblit. Wa innama umdatuhu. Mais sur ce sur quoi il se repose, il s'appuie, donc pour dire qu'il est permis d'essuyer sur les deux khouf, ha'oula is sahaba. Donc ses compagnons qu'on a cités et d'autres, donc qui ont essuyé sur les deux jawrab wa sarihul qiyas et aussi al qiyas, sarihul qiyas. Ça on va l'expliquer ensuite. Et le qiyas clair, évident. فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. Car il n'apparaît pas entre le jawrab et le khuf de différence conséquente. Rappelez-vous de cette expression. Qu'est-ce qu'a dit Imam Ibn al-Qayyim? Il se reposait sur la pratique des compagnons, l'imam Ahmed pour dire que c'est légiféré, et ensuite sur le qiyas clair. On va expliquer ce que c'est sarih al-qiyas, c'est une forme de qiyas. Il a dit car, et ça aussi c'est très important, il n'apparaît pas de différence conséquente. Rappelez-vous du mot conséquente entre le jawrab et le khuf. L'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh a aussi dit concernant le qiyas du jawrab sur le khuf. Car là on est en train de voir est-ce que c'est légiféré. Et après on va voir qu'est-ce que le jawrab. Là on est en train de voir est-ce qu'il est légiféré d'essuyer sur le jawrab. On a dit que oui, en raison de la pratique des compagnons. Et si un seul l'avait fait, que sa fatwa ou son acte avait été propagé, ce serait un ijma' de la part des compagnons. Et il y a aussi le qiyas sarih, et ça on va voir, inshallah, qu'est-ce que c'est. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit, et soyez attentifs, vous allez comparer à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, son élève. Il dit dans Majmou' al-Fatawa, dans le volume 21, page 214, فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَيْنِ. J'ai pris la partie de la fatwa qui m'intéresse, moi. Après, on va la porter quasiment de manière entière après. فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كُتَّانًا أَوْ صُوفًا. Il dit rahimahullah, la différence entre donc les deux jawrab et les deux khuf, c'est simplement que celui-là est en laine, Donc, al-jawrab, c'était de la laine majoritairement, les chaussettes. Wa hada min juloud, et que ceux-là sont en cuir. Donc, observez bien qu'est-ce que dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Et comment est-ce qu'il va faire le qiyas, car on va avoir besoin de ces informations. Wa ma'loumun anna mithla hada al-farqi ghayru mu'athirin fi shari'ati. Et il dit, et il est connu, qu'une telle différence, que ceux-ci soient en cuir et ceux-ci soient en laine, n'est pas conséquent dans notre sharia, dans notre législation. Il dit car il n'y a pas de différence hein, du fait que celui-là soit de cuir, celui-là de coton, celui-là de tissu, celui-là de laine. Rahimahullah ta'ala. Donc, essuyer sur le jawrab, c'est légiférer. Quelles sont les preuves? Je vous demande, qui peut répondre? Sur quoi on s'appuie pour dire qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes? Le khouf, on a dit, Coran, Sunna, Ijma'. Concernant Al-Jawrabayn, quelles sont les preuves? Il n'y a pas de différence conséquente entre le khouf et... Ouais, mais ça, c'est déjà le détail de la deuxième preuve. Première preuve, non, la pratique des compagnons, radiallahu anhu. Deuxième preuve, il faut suivre, hein, parce que là, on va arriver à quelque chose. Al-Qiyas al-Sarih. Le qiyas ou sarih. On verra que c'est pas n'importe quel qiyas. C'est pas le qiyas connu qu'on avait expliqué là avec les quatre piliers. Al-hukm, al-far', al-illah. C'est pas celui-là. Les mu'assirin, ils utilisent beaucoup celui-là. Donc le jawrab, c'est quelque chose qui n'était pas en cuir, qui était en laine, épaisse ou autre. Et les compagnons ont essuyé dessus. Le qiyas qui a été utilisé par les savants, c'est une forme de qiyas que je vais développer ensuite. Et ils ont dit, vous avez remarqué Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, qu'il n'y a pas de farq mu'athir, qu'il n'y a pas de différence conséquente entre le jawrab et le khouf. Notamment, ils sont réunis dans une même caractéristique, qui est imkanu muwasalatil mashi alayhi, qu'il est possible de marcher même sur al-jawrabayn. Même sur Al-Jawrabayn, au temps des compagnons, radiallahu anhum, il était possible de marcher avec de manière indépendante. Ils mettaient cela et sortaient avec. Ou bien mettaient des sandales en dessous. Mais non pas parce que c'était impossible de marcher avec, simplement de manière adjointe. Mais le Jawrab, à la base, il marchait avec dehors. D'où on prend ça, nous? Comment est-ce qu'on va le prendre, ça? Et comment est-ce que les fuqaha, ils ont mis tous les quatre madhabs cette condition-là? Ils ont mis cette condition-là dans les quatre madhhab. L'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, dit dans le Mughni. Donc on va porter les quatre écoles. Comme quoi, ils mettent comme condition que l'on est, que on peut essuyer sur le jawrab si jamais on peut marcher avec. Ibn Qudama dit dans le Mughni, yajuzu al-mashu 'ala al-jawrabi bi shartayni alladhayni dhakarnahuma fil khuff. Il dit, il est permis d'essuyer sur al-jawrab, la chaussette entre guillemets, avec les deux conditions que nous avons citées dans le khouf. Ahaduhuma an yakuna safiqan, la yabdu minhu shay'un min al-qadam. La première, qu'il soit épais, donc que la chaussette soit épaisse, qu'elle ne montre rien du pied. Qu'elle ne montre rien du pied. Ça, nous, on a vu. On a dit, si jamais il y a une matière aujourd'hui contemporaine qui est transparente, mais tu peux marcher avec, inshallah. Cette condition-là n'est pas prise en compte. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخراقي. Il a dit la deuxième condition, c'est qu'il est possible de marcher avec, pas un pas deux pas, de marcher une journée pour le résident, trois jours pour le musafir, de pouvoir marcher. Et aussi, il y a l'ajout urfan. L'ajout urfan, il est important. Je prends deux, je caricature, je prends deux seaux, je les mets à mes pieds. يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشِي عَلَيْهِ. Je peux marcher avec. Est-ce que je peux marcher avec deux seaux que j'attache et je sors dans la rue avec? Je peux. Est-ce que je peux essuyer là-dessus? Non. لَنَا هَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ لِلْمَشِي عُرْفًا. C'est pas quelque chose que les gens mettent. La sharia est venue pour aider la personne dans ses coutumes quotidiennes. Pas pour des choses comme ça qui ne font pas partie à la base de ce que fait l'individu, al-mukallaf. Et il a dit, et ceci, c'est ce qui apparaît donc des paroles de l'imam al-Khiraqi. Parce que al-Mughni, c'est une explication de Murtasar al-Khiraqi, qui était un imam du Madhab Hanbali. Donc le Mughni, qui est un livre de l'imam Ibn Qudama, c'est une explication d'un texte qui s'appelle Murtasar al-Khiraqi. Comme nous, là, on est en train de faire al-Umda, c'est un texte, On est en train de l'expliquer. L'imam Ibn Qudama, l'auteur de ça, d'Al-Umda, il a expliqué Mukhtasar al-Khiraqi dans un livre qui s'appelle Al-Mughni. Qala Ahmad, il dit toujours, l'imam Ibn Qudama dit, Qala Ahmad, l'imam Ahmad a dit, Fil mashi ala al-jawrabayni bi ghayri na'lin, idha kana yamshi alayhima yathbutani fi rijlayhi fala ba's. Donc l'imam Ahmad a dit, concernant l'essuyage des deux chaussettes, entre guillemets, dans le sens à eux et pas le nôtre, sans sandales, il a dit, si jamais il peut marcher dessus, et qu'elles tiennent d'elles-mêmes, alors il n'y a pas de problème. Même sans sandales, c'est permis, si jamais elles tiennent d'elles-mêmes et qu'il peut marcher avec dessus. Il a dit dans un autre endroit, toujours Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, wa qala Abu Hanifata wa Malik wal Awza'i wa Mujahid wa Amr ibn Dinar wa al-Hassan ibn Muslim wa al-Shafi'i. Donc les trois madhhab on a là. Abu Hanifa, Malik, al-Awza'i. Lui aussi, c'est un sahib ou madhhab in Qarad, c'était quelqu'un qui avait un madhhab, il est parti, Mujahid. C'est un élève d'Ibn Abbas, Amr ibn Dinar, wa kadhalika min al-kibar, wa al-Hassan ibn Muslim, wa al-Shafi'i. Donc les trois madhhab là, sauf les Hanbali. La yajuzu al-mashu alayhima illa an yuna'ala. Illa an yuna'ala li annahuma la yumkinu mutaba'atu al-mashi fihima, fa lam yajuzu al-mashu alayhima kal-raqiq. Donc dans les trois madhhab, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et d'autres savants, la yajuzu al-mashu alayhima. Il n'est pas permis d'essuyer. Donc sur les jawrab, illa an yuna'ala, sauf si on met des sandales en dessous. Qu'est-ce qu'on veut dire par sandales? C'était quoi les an-ni'al au temps du prophète alayhi salatu wasalam? C'était une plaque, donc de cuir épais, qu'on mettait sous le khouf. Le prophète sallallahu alayhi wasalam, il mettait as-sabtiya. Et il y avait ensuite une ficelle qu'on faisait passer et on entourait. Le pied, quand on le regardait, il était nu. Il y avait juste une ou deux ficelles comme ça. Et en dessous, il y avait une plaque épaisse de cuir qui permettait de marcher, de ne pas abîmer son khouf, pour qu'il dure plus longtemps. Dans ces trois écoles-là, eux, ils conditionnent, pour pouvoir essuyer le jawrab, qu'il y ait en dessous un na'l, la sandale. Nous, on ne va pas prendre cette condition-là. Car les sahaba, ils ont essuyé même sans un na'lain, sans les sandales, Wallahu a'lam. Comme ça, il était rapporté avec des chaînes authentiques. Pourquoi est-ce que ces trois madhab, ils ont conditionné de mettre les sandales? Pourquoi est-ce qu'ils ont conditionné ça? Nous, c'est le sens de leur conditionnement qui nous intéresse. لِأَنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشِي فِيهِمَا. Car il n'est pas possible de pouvoir marcher donc avec Al-Jawrab sans mettre un na'l. Sans mettre un na'l. Mais il est possible. Il est possible quand ils sont épais et notamment, ça a été rapporté par des compagnons. Al-Ahnaf, qu'est-ce qu'ils disent? Qala sahibu bada'i' al-sana'i' al-kasani rahmatullah alayhi dit: wa amma al-mashu 'ala al-jawrabayn fa in kana mujalladayn aw mun'alayn yujzihi bila khilaf 'inda ashabina. Quant à l'essuyage sur les deux chaussettes, si jamais elles sont mujalladayn, c'est-à-dire qu'il y a du cuir qui a été mis à la semelle. Donc ça fait partie maintenant du khouf, ça a été cousu en dessous de la chaussette, donc de laine ou d'autres matières, il mettait une plaque de cuir et il l'accrochait, elle faisait partie intégrante ensuite du khouf, du jawrab. Ici, il dit que si jamais donc elle possède cela, ou bien les muna'alayn, il porte deux sandales avec, yujzihi bila khilaf 'inda ashabina. Donc chez les hanafites, c'est permis sans aucune divergence. Wa in lam yakuna mujalladayn wa la muna'alayn. Et si jamais ils n'ont pas donc de plaque en cuir en dessous et non plus ils ne portent pas de sandales avec. Il dit fa in kana raqiqayn yashiffan al-ma la yajuz al-mashu alayhima bil ijma'. Si jamais ils sont fins et que l'eau passe à travers, il n'est pas permis d'essuyer dessus selon le consensus des Hanafi, ils visent des Hanafi. Pourquoi? Parce que essuyer, si jamais c'est pour que l'eau passe sur le pied en dessous, c'est comme si tu essuyais ton pied, le mashu du pied n'est pas permis. Il dit ensuite wa in kana thakhinayn la yajuzu 'inda Abi Hanifa. Et si jamais ils sont épais mais qu'il n'y a pas de cuir en dessous et pas de sandales, ce n'est pas permis chez Abu Hanifa. Wa 'inda Abi Yusuf wa Muhammad yajuz. Et chez Abu Yusuf al-Qadi, Abu Yusuf le plus grand élève d'Abu Hanifa, et Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahmatullah alayh, c'est permis même s'il n'y a pas la plaque de cuir en dessous et les sandales. Wa ruya 'an Abi Hanifa annahu raja'a ila qawlihima fi akhir 'umri. Et il a rapporté qu'Abu Hanifa est revenu à la fin de sa vie, à la parole de ses deux élèves. الشافعية قال النووي في المجموعة sont importantes les paroles de l'imam النووي واحتج أصحابنا على جواز المسح على الجوربي على الجوربي لأنه ملبوس يمكن تتابع المشي عليه ساتر لمحل الفرد فأشبه الخف. Sa parole est importante. Écoutez. واحتج أصحابنا على جواز المسح على الجوربي. Et nos compagnons, donc les savants du madhhab Shafi'i, ils ont donné l'autorisation d'essuyer sur al-jawrab la chaussette, li'annahum malbous, première caractéristique, car c'est quelque chose que l'on met donc au niveau du pied. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le khouf? Satirun li mahall al-fardi ila al-ka'bayn fa akthar li mahall al-fard donc ila al-ka'bayn fa akthar min jildin wa nahwihi. Donc c'est quelque chose, le khouf, dans le sens législatif, pas dans la langue arabe, pardon. Dans le sens législatif, c'est quelque chose qui recouvre donc la partie qui est obligée d'être essuyée, donc le pied jusqu'à la cheville, qu'il soit de cuir ou autre. Qu'est-ce que dit l'imam Nawawi? Donc nos compagnons, ils ont dit qu'il est autorisé d'essuyer sur le jawrab parce que c'est un melbou, si c'est quelque chose qu'on porte. Premier critère qui fait ressembler le jawrab au khouf. Yumkinu tatabu'u al-mashi 'alayh. Il est possible de marcher avec. Deuxième critère qui fait ressembler au khouf. Satirun li mahalli al-fard. Il recouvre donc la partie obligatoire qui doit être lavée à la base. Troisième critère qui fait ressembler au khouf. Fa ashbaha al-khouf. Il a dit le jawrab ressemble au khouf. Wa la ba'sa bi kawnihi min jildin aw ghayrihi. Et il n'y a pas de problème au fait qu'ils sont de cuir ou bien d'une autre matière. Chez le Maliki, les plus sévères, rahmatullah alayhi, قال الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره. Donc ça c'est un متن مختصر خليل connu dans le Maghreb, qui est l'équivalent de Umda, mais beaucoup plus compliqué et riche et difficile à étudier. رخص لرجلين, il dit dans son متن, رخص لرجلين وامرأة وإن مستحادة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. Il dit رخص لرجلين, il a été permis. Donc il y a dérogation. Les rajoulines pour l'homme. Wa mra'atin et la femme. Wa in mustahada. Même si elle est en état d'hémorragie. Pas de menstrue, d'hémorragie. On verra ça après dans le chapitre en question. Bihadarin, en état de résidence. Wa safarin, ou bien en état de voyage. Mashu jawrabin, qu'est-ce qui a été permis donc? Rukhisa quoi? Rukhisa. Aina na'ibul fa'il? C'est mashu jawrabin. Il a été permis quoi? Mashu jawrabin. Donc l'essuyage du jawrab jullida dhahiruhu wa batinuhu. Si jamais le bas et le haut a été recouvert de cuir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas permis chez le Malikiya et Mukhtasar Khalil, c'est le marji' aujourd'hui. Allah a'lam. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a été questionné au sujet du fait d'essuyer sur al-jawrabayn, les deux chaussettes. Qala na'am. Qala na'am. يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما. Oui, il est permis d'essuyer sur les deux chaussettes si il marche avec. إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة, que ce soit des chaussettes مجلدة qui ont donc un morceau de cuir, une pièce de cuir en dessous au niveau donc de la plante des pieds, ou lam takun, ou bien qu'il n'y ait pas donc de morceaux de cuir au niveau de la plante du pied, fi asah qawlay al ulama, selon la parole la plus authentique des savants. Fa fi sunani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam massaha ala jawrabi. Il faut se concentrer. Dans la sunna, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam a essuyé sur ses deux jawrab. Il vise le hadith de Mughira ibn Shu'bah qui ont affaibli la majorité. Wa ana alayhi, et ses deux sandales. وهذا الحديث إذا لم يثبت. Et ce hadith, s'il n'est pas authentique, فالقياس يقتدي ذلك. Le qiyas, le raisonnement analogique que l'on va développer. Quel raisonnement analogique? Est-ce que c'est le classique avec les quatre piliers qu'on étudie majoritairement ou un autre? On verra. فالقياس يقتدي ذلك. Le qiyas implique cela. Donc que l'on essuie sur le jawrab, tout comme on essuie donc sur al-khuf. Donc qu'est-ce que al-khuf, al-jawrab? On va arriver à des définitions. Il faut qu'on arrive à des définitions. Dans Aoun al-Ma'boud, il dit dans son charh de Babu al-Mas'i ala al-Jawrabayn, Il dit rahmatullah alayhi bi fath al jim al jaw bi fath al jim al jawrab bi fath al jim tasniyat al jawrab, c'est le duel de jawrab, jawraban, c'est le duel de jawrab. Qala fi al qamus Firouz Abadi rahmatullah alayhi, il a dit al jawrab lifafat al rijl, lifafat al rijl, c'est l'enveloppe du pied. Wa fi al sihah, donc un autre dictionnaire connu qui est marji en langue arabe, al-jawrabu mu'arrabun wal-jam'u al-jawariba wal-ha'u lil-ujma wa yuqalu al-jawaribu aida. Donc dans al-sihah il dit que al-jawrab c'est un mu'arrab, donc c'est quelque chose qui a été pris des Perses, ils disent c'est un mot qui n'est pas arabe à la base, donc ça se ne disait pas jawrab à la base. Ça se disait d'une autre manière et quand on l'a arabisé, c'est devenu jawarab. Wal jam'u al jawariba. Ça c'est le pluriel. Ou bien aussi al jawarib. Thumma qala ba'da sard aqwali ahli al-'ilm fi al-jawrab. Il a rapporté de nombreuses paroles dans Aoun al-Ma'boud. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit fa'ulima min hadhihi al-aqwal an al-jawraba huwa naw'un min al-khuffi. Il a dit, et on comprend qu'à travers toutes ces paroles, il a cité beaucoup de paroles, je n'ai pas voulu les recopier, ça aurait été trop long. Même là, est-ce qu'on va finir? Allah a'lam. Il a dit, on comprend à travers ces nombreuses paroles que le jawrab est un type de khouf. Est un type de khouf. Illa annahu akbaru min. Sauf qu'il est un peu plus grand que lui. Faba'duhum yaqulu innahu ila nahwi as-saq. Certains disent qu'il va jusqu'à la jambe. Ba'duhum yaqulu huwa khufun yulbasu ala al-khuffi ila al-ka'bi. Et d'autres disent que c'est un khouf qu'on met sur le khouf jusqu'au niveau de la cheville. Thumma ikhtalafu fi, puis ils ont divergé à son sujet. Hal huwa min jildin wa adim, est-ce qu'il est en cuir et en peau? Aw ma huwa a'am min sufin wa qutnin ila akhiri qawlihi. Il a dit ou bien est-ce que c'est quelque chose donc qui est en coton ou bien en laine. Et ces paroles continuent, c'est ce qui nous intéressait. Donc le jawrab, de manière résumée, c'est un type de khouf. Le jawrab, c'est un type de khouf à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et les premiers siècles, donc des compagnons tabirin dans ces premiers siècles-là. Donc on arrive à un point qui est important. Ces chaussettes qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles entrent, les chaussettes qu'on a, en coton fin, elles sont appelées aujourd'hui jawrab? Ou bien shurab, on appelle ça comme ça, shurab, dans le sharq, ils appellent ça. Tqashar, oblet. Le jawrab, est-ce qu'il entre dans le hadith de Mughira, sans regarder qu'il est authentique ou pas, masaha ala al-jawrabayn wa al-khuffayn? Est-ce que ça entre aussi dans l'acte qu'on fait les compagnons radiyallahu anhum? Est-ce que ce jawrab là, parce que nous l'appelons jawrab, on peut l'intégrer dans ce jawrab là? Les quatre madhhab, non, ils l'ont pas fait ça. Ils ne l'ont pas intégré. Pourquoi? Première raison, il n'existait pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et le masah, c'est une rukhsa. C'est une dérogation. C'est une dérogation. Est-ce qu'on peut faire un qiyas sur la rukhsa? Il y a divergence. Dans le madhhab, on peut. On peut faire un qiyas sur la rukhsa. Mais le qiyas que l'on va faire ici, quel qiyas c'est? Est-ce que c'est le qiyas qu'on avait expliqué avec le asl, la base, le far'a, donc ensuite la ramification, et il nous faut ensuite hukmul asl, le statut de la base, et al-illatu, al-jami'a, et la illa, donc la cause qui nous permet de raisonner pour pouvoir donner à la ramification le statut qui appartient à la base. Est-ce que c'est ce qiyas-là? Tu ne trouves aucun savant des madhahib qui a parlé de ce qiyas-là. Tous ceux qui ont dit il est permis d'utiliser, d'essuyer sur le jawrab et qui ont cité le qiyas, ils n'ont jamais parlé des illa, parce que ce n'est pas ce qiyas-là qui est utilisé. Pour ça qu'on va voir quel qiyas a été utilisé, on va devoir revenir à la parole d'Ibn al-Qayyim, de Nawawi et d'Ibn Taymiyyah pour voir quel qiyas a été utilisé dans les premiers siècles. Aujourd'hui, t'entends ça. Na'am yajouz qiyasan ala al-khouf. Taïb, ayou qiyas? Quel qiyas? Ma hiya al-illa? Quelle est la illa que tu as pris pour faire le qiyas? Et après, on va voir une fatwa d'un contemporain et on va voir que la illa qui a été citée n'est même pas une illa à la base. Donc quel est le qiyas qui a été cité, qui a été utilisé par les savants? L'imam Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahmatullah alayh, Il dit dans sa muzakira fi usul al-fiqh, c'est une explication donc d'un texte qui est Rawdatun Nadir, qui est un texte aussi de notre cher savant l'imam Ibn Qudama. Il a écrit un texte dans usul al-fiqh. Mohamed Al-Amin Shinqiti, rahmatullah alayhi, il a une explication de ce texte-là, un commentaire. Et il dit, rahmatullah alayhi, i'lam sache, i'lam awwalan, anna l'ilhaqa min haythu huwa darban. Sache que le fait de donner le statut donc de quelque chose à une autre, c'est de deux types. Il dit, i'lam awwalan, anna l'ilhaqa min haythu huwa darban. Sache que le fait de donner le statut, al-ilhaq, c'est le fait de donner le statut à quelque chose, donner le statut du khouf, la permission d'essuyer, jawazul mash, ila al-jawrab, à la chaussette. I'lam awwalan, sache premièrement, anna al-ilhaq min haythu huwa darban, que le fait de donner le statut de quelque chose à une autre, c'est de deux types. Al-awwal, le premier, c'est le nôtre, qui a été utilisé par les quatre madhhab tout au long des siècles. Al-awwal, al-ilhaq bin nafy al-fariq. Donc c'est donner le statut de quelque chose à une autre bin nafy al-fariq, en rejetant des différences entre les deux notions. Comme ont fait les savants, on va le voir, Ibn Taymiyyah, Nawawi, tous, ils disaient à chaque fois, ils disaient laysa fi farqun mu'athir, il n'y a pas de différence conséquente entre le jawrab de leur temps à eux, qui était épais en laine avec lequel ils marchaient, et le khouf au temps du prophète alayhi salatu wasalam. Il dit le premier, al-ilhaq bin nafy al-fariq. Al-thani, le deuxième, al-ilhaq bil jami'. Il dit donc donner le statut d'une chose à une autre par quelque chose qui les unit, et donc la illa, la cause. Wa dabitul awwal, et le critère du premier, donc du qiyas qui est utilisé ici pour le jawrab, qui est le fait de donner le statut donc du khouf, qui est la permission d'essuyer, au jawrab, qui est la chaussette, on veut donner à la chaussette le statut de pouvoir être essuyé, qui est le statut du khouf. Comment on va pouvoir prendre ce statut-là et le déplacer au jawrab, à la chaussette? Comment est-ce qu'on fait? On passe par le qiyas de la illa, ou bien par le qiyas de nafyul fariq? Est-ce qu'on passe par le qiyas en utilisant une cause qui nous permet de raisonner sur le asl, la base, qui est le khouf et le far'a, qui est le jawrab, la chaussette? Ou bien est-ce que c'est en concluant qu'il n'y a pas de différence entre les deux? C'est le deuxième, c'est en concluant qu'il n'y a pas de différence. Il dit wa dabitul awwal, et le critère donc du premier, il dit annahu la yahtaju fihi ila ta'arrudi lil 'illati al jami'a. Il dit ça sert à rien de chercher la illa, rahmatullah alayh. Il dit ça sert à rien de chercher la illa, parce que ce n'est pas par ça que tu vas donner le statut. Il dit bel yaktafi fihi bin nafy al-fariq al-mu'athir fi al-hukm. Il dit il suffit donc pour le mujtahid, pour pouvoir donner à la chaussette le statut de pouvoir être essuyé, qui est le statut du jawrab, d'évacuer toutes les différences possibles entre les deux notions, donc entre la chaussette et entre le khouf. Donc, on revient aux paroles des chouyouks, on va mieux les comprendre. C'est compris les paroles de Mohamed Amin Shinqiti. Donc, on revient à la parole d'Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِعَةِ. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah quand on lui a demandé la permission? Est-ce qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes? Il a dit oui. Idha kana yamshi fihima, si jamais il marche dedans. Et après, il a parlé du jawrab, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car la différence entre les chaussettes et les khoufs, c'est que celui-ci est en laine et que celui-ci est en cuir. Et cette différence-là, ce n'est pas une différence conséquente dans la sharia. Est-ce qu'il a cherché une illa? Est-ce qu'il a cherché une cause, donc, réunissant la base qui est le khouf et le far, la ramification qui est la chaussette? Est-ce qu'il a trouvé une illa? Non, il n'a même pas cherché. Pour ça qu'aucun savant dans les madhhab, ala hasabi ilm al-qasir al-naqis, j'ai pas trouvé un seul savant qui parle de illa. Mais dans le mu'assirin, tu trouves ça. Il a dit dans Sharh al-Umda rahmatullah alayh, Ibn Taymiyyah, il a dit dans son Sharh al-Umda, ce texte qu'on explique, l'imam Ibn Taymiyyah, il a un Sharh muwassa' jiddan mati', qui est vraiment large et profond et qui est extrêmement bien. Il dit, rahimahullah, wa amma ma la yumkinu mutaba'atu al-mashy fi imma li dayqihi aw thiqalihi aw takassurihi bil mashy aw ta'adhdhurihi كراقيق الخراق أو اللبود لم يجوز مسحه لأنه ليس بمنصوص ça c'est la première chose ولا في معنى المنصوص il dit رحمه الله quant à ce que on ne peut pas utiliser pour marcher on ne peut pas l'utiliser pour marcher il dit soit parce qu'il est trop daïk, trop fin ou bien qu'il est trop lourd ou bien qu'il se casse comme du verre lorsqu'on marche ou bien parce que c'est impossible de marcher avec. Il dit comme le fin, le tissu fin. Mais il dit, l'aboud, c'est la laine. C'est une sorte de laine qui est serrée. Il dit, il n'est pas permis de l'essuyer car leïsa bimansous, c'est pas quelque chose qui est dans le texte, comme al-khouf, wala fi ma'na al-mansous. Ça n'a pas non plus le sens de ce qui a été rapporté dans le texte. Pourquoi? Parce que ça se casse, etc. On ne peut pas marcher avec. Donc ça, c'est un farq mu'athir. C'est une différence conséquente. On ne peut pas donc faire le qiyas sarih. On ne peut pas faire le qiyas sarih, qui est le premier qiyas qui a été tout à l'heure cité par Mohamed al-Amin Shinqiti, rahmatullah alayh. Donc on revient à la parole d'Ibn al-Qayyim, lorsqu'il avait dit que Ahmed, il s'était appuyé sur la pratique des compagnons et sur le qiyas sarih. Quel est le qiyas sarih qu'il vit? C'est ce qiyas-là. Rahimahullah. Pour ça qu'il ne citait aucune illa les premiers savants. Donc on arrive à une conclusion, les chaussettes aujourd'hui, là, il n'est pas permis d'essuyer dessus. Il n'est pas permis, en ayant fait les ablutions, d'essuyer selon les quatre madhhab, et c'est la parole majoritairement écrasante depuis les siècles précédents. Aujourd'hui, on trouve cette parole-là chez certains contemporains, et on va voir sur quoi est-ce qu'il s'applique. Et d'autres savants contemporains disent que ce n'est pas permis. Pourquoi ce n'est pas permis alors? Parce que cette chaussette-là, on ne peut pas faire le qiyas sarih sur le khouf. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que la yumkinu mutaba'atu al-mashy alayh. On ne peut pas marcher avec. Est-ce que quelqu'un sort avec? Ni urfan, et ni même en termes pratiques, tu ne peux pas sortir et marcher avec. Donc cette chaussette-là, elle n'entre pas dans les hadiths. Elle n'entre pas non plus dans le fi'l des sahaba radiallahu anhum. Quelqu'un peut dire le jawrab, mais il y a un umum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, al-jawrab. Donc il y a ummu jami' anwa' al-jawarib. Donc c'est quelque chose qui est général et qui englobe tous les types de jawrab. Na'am, tous les types de jawrab, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, on l'a appelé jawrab par coïncidence. On aurait pu lui donner un autre nom que jawrab. Si un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui voyait ça, tu lui montres. Tu dis hada jawrab. Il dit non, hada laysa bi jawrab. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hada laysa bi jawrab. Donc ça n'entre pas dans le urf du prophète alayhi salatu salam du siècle des compagnons radiallahu anhu. Quelques savants contemporains qui ont parlé wa subhanallah ajib kama yaqulun al-ilm rahimun bayn ahli. La science, c'est un lien de parenté entre les gens qui la portent. Cheikh Mohamed ibn Mohamed Mokhtar Shinqiti, il est de l'avis qu'on ne peut pas essuyer. Observez ses paroles, on dirait qu'il a fait un copier-coller de ce que ont dit les savants précédents. Il a dit dans son charh de Sunan al-Tirmidhi, عند قول المصنف رحمه الله عليه, donc à la parole de Tirmidhi, باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين, chapitre concernant ce qui a été rapporté concernant l'essuyage donc des deux chaussettes, des deux jawrab et des deux sandales. Et il a rapporté le premier hadith, c'est le hadith donc de Mughira ibn Shu'ba, que Tirmidhi a authentifié. Le hadith selon lequel il a vu le prophète alayhi salatu wa salam essuyer sur ses deux jawrab et ses deux sandales. Il dit, Mohamed ibn Mokhtar al-Shinqiti, je vais vous rapporter mot à mot ce qu'il dit, mais je vais enlever des parties parce que c'est très long. Il dit, al-jawrabanu lahuma thalathatu ahwal. Il dit, les chaussettes ont trois donc situations. Il y a trois sorte de chaussettes. الحالة الأولى أن يكون مجلدين وهما ما كان أسفلهما من الجلد. Il dit le premier cas c'est que il comporte donc au niveau de la plante du pied du cuir. Après il a parlé de ça, il a dit هذا يجوز عند الجماهير. Il dit donc dans ce cas-là que la majorité écrasante des savants disent que c'est permis et lui-même a dit ça. Il dit الحالة الثانية أن يكون ثخينين غير مجلدين. Qu'il soit épais et qu'il ne comporte pas de cuir au niveau de la plante. Il a dit là aussi c'est permis. Donc il y a divergence et lui dit que c'est permis. Troisième cas, c'est qu'il soit fin. Il a dit. Ensuite, je passe beaucoup et je passe tout de suite au troisième cas. أما الحالة الثالثة quant au troisième cas فهو أن يكون الجورب خفيفا. Il dit c'est que la chaussette donc elle soit légère. وهذا النوع من الجوارب. Il dit et quant à ce type donc de chaussette جماهير السلف والخلف على منع المسح عليه. Il dit la majorité des salaf et des khalaf, donc les khalaf ce sont lorsqu'on cite les salaf, les khalaf ce sont ceux qui sont arrivés après les compagnons. Quand on ne cite pas les khalafs, les salafs c'est jusqu'à aujourd'hui. Les salafs c'est les compagnons et tous ceux qui ont été sur les pas des compagnons. Il dit donc la majorité des salafs et des khalafs interdisent d'essuyer sur ce type de chaussettes. وَهَذِهِ الْجَوَارِبُ الْخَفِيفَةُ الشَّفَّافَةُ الرَّقِيقَةُ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً وَإِنَّمَا كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَضَعُونَ اللِّفَافَةَ وَالْجَوَارِبَ لِكَيْ يَمْشُوا عَلَيْهَا فَهِيَ جَوَارِبُ ثَخِينَةٌ وَلَيْسَتْ بِخَفِيفَةٍ. Il dit, et quant à ces chaussettes, donc il dit khafifa, légère, shaffafa, transparente, raqiqa, fine, lam takun ma'rufatan, elle n'était pas connue au temps du prophète alayhi salatu wasalam. Et il dit les compagnons radiyallahu anhum mettaient donc des enveloppes à leurs pieds, que ce soit khouf ou autre, il dit, et les chaussettes afin de marcher avec. Il dit c'était donc des chaussettes épaisses et elles n'étaient pas légères. Wa ala hadha fa innahu la yajuzu al-mashu 'alayha. Il dit donc par rapport à cela, il n'est pas permis d'essuyer donc sur les chaussettes aujourd'hui contemporaines. Puis après, il a cité ceux qui disent que c'est permis. Et il a répondu, écoutez sa réponse, et il a répondu par rapport au qiyas sarih. Wa huwa ma'ruf faqihun usuli. Rahimahullah. Wa hadha al-bab, c'est une porte où il faut qu'il y ait une malaka fiqhiyya. Il faut que la personne il soit faqih bima'na al-kalima. Et cet homme est de ce degré-là. Qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il répond à ceux qui ont dit yajouz. Par le qiyas. Qu'est-ce qu'il dit ? وَقَالُوا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الرَّقِيقِ قِيَاسًا عَلَى الثَّخِينِ. Et ils ont dit qu'il est permis d'essuyer sur le fin en raisonnement sur l'épée. وَهَذَا الْقِيَاسُ مَحَلُّ نَظَرٍ. Il dit ce qiyas, il est critiquable. لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْقِيَاسِ. C'est un faqih. Est-ce qu'il parle de tous les qiyas ? Écoutez ce qu'il va dire. C'est clair qu'il ne parle pas du qiyas avec les quatre piliers. Il dit car parmi les conditions de l'authenticité du qiyas, la yujad al-fariq al-mu'athir. Bihadha al-lafz yatakallam. Il dit c'est qu'il n'y ait pas de différence conséquente. Thumma yaqul wa huna qad wujida al-fariq wa dhalika anna al-jawrab al-khafif laysa kal-jawrab al-thakhin. والجورب الثخين صح المسح عليه لأنه كالخف. الإمام نووي فأشبه الخف. عجيب comment est-ce qu'il se ressemble des siècles après. Il a dit la chaussette épaisse, il est permis d'essuyer dessus, لأنه كالخف, car il est comme le خف. Dans quel sens? لأنه يمكن متابعة المشي عليه, car il est possible de marcher dessus. Il a dit لأنه كالخف الذي هو من الجلد. Donc il n'a pas permis ça. Cheikh al-Jibrin aussi, il a des paroles sévères là-dessus. Il dit, il est étonné comment est-ce que les gens, sur des chaussettes fines, on voit bien la rotule, on voit les orteils, on voit la forme du pied, ils essuient. Hakada. Ils essuient, il dit, هذا من التساهل في هذا الزمن. Et certains ont rapporté qu'il est permis, wallahu a'lam, de manière صريحة شيخ العثيمين من كبار هذا الزمن شيخ العثيمين رحمته الله عليه بالنص textuellement il dit qu'il est permis d'essuyer sur الرقيق le fin الذي تبدو وراءه البشرة dont on voit la peau à travers. Une fatwa de شيخ العثيمين رحمته الله عليه رحمة واسعة وهو من هو رحمه الله. Et c'est un أصولي justement lui, c'est un أصولي. Mais on va lire une de c'est fatwa concernant ça où il dit rahmatullah alayhi, il dit al-qawl ar-rajih, la parole donc la plus authentique, annahu yajuzu al-mashu ala dhalik, il est permis d'essuyer donc sur la chaussette fine, car c'est la question qui a été posée. Ay ala al-jawrab al-mukharraq. Ay ala al-jawrab al-mukharraq. C'est-à-dire sur la chaussette trouée. وهذا نعم قال به حتى بعض الذين قالوا به عدم الجواز على الرقيق. Même parmi ceux qui ont dit c'est pas permis sur le fin, d'ailleurs tous les madhhab auparavant, il y en a qui ont dit c'est permis sur le troué. Mais nous on a dit le mieux c'est de pas essuyer sur le troué par sécurité, car beaucoup de savants ont dit que le troué tu ne peux pas essuyer dessus. Mais celui qui essuie inshallah fi khair, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est accepté. Wal jawrab al khafif, écoutez la fatwa. Wal jawrab al khafif alladhi tura min wara'ihi al bashara. Il a dit, il est aussi permis d'essuyer sur la chaussette légère à travers de laquelle on voit la peau. Il dit, لأنه ليس من المقصود من المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترا. Car ce n'est pas l'objectif d'essuyer sur la chaussette. Ce n'est pas que il cache la peau. Ce n'est pas ça l'objectif. Naam, ce n'est pas ça l'objectif. فَإِنَّ الرِّجْلَ لَيْسَتْ عَوْرَةً يَجِبُ سَتْرُهَا. Car le pied n'est pas une awra qu'on est obligé de couvrir. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الرُّخْسَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ. Mais le but de ça, c'est de donner une rukhsa, une dérogation au mukallaf, à l'individu, homme ou femme. وَالتَّسْهِلُ عَلَيْهِ. Le but, c'est de faciliter pour la personne. Le khouf, pourquoi est-ce que la sharia, elle a légiféré sur le khouf et le jawrab dans le sens des premiers siècles? L'iraf il mashaqqa, pour enlever la difficulté. Ça, ce n'est pas une illa, c'est la hikma. Observez. وَتَسْهِلُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا نُلْزِمُهُ بِخَلْعِ هَذَا الْجَوْرَبْ أَوِ الْخُفِ عِنْدَ الْوُضُو. De sorte à ce qu'on ne l'oblige pas à enlever le khouf ou bien la chaussette lorsqu'il veut faire ses ablutions. بَلْ نَقُولْ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ عَلَيْهِ. On lui dit, il te suffit d'essuyer dessus. هَذِهِ الْعِلَّةِ هَكَذَا قَلْ. هَذِهِ الْعِلَّةِ. Il a dit, ceci est la illa. وَهَذِهِ لَيْسَتْ عِلَّةِ. هَذِهِ حِكْمَةِ. هَذِهِ لَيْسَتْ عِلَّةِ. Ce n'est pas la illa. رَفْعُ الْحَرَجْ وَالتَّسْهِيلِ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ. هَذِهِ حِكْمَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. C'est la sagesse d'essuyer sur le khuf. وَلَيْسَتِ الْحِكْمَةِ. وَفِي الْقِيَاسِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ. Parce que là, le cheikh, il traite al-mas'al al-khufayn par le qiyas avec les quatre piliers. C'est pour ça qu'il a extrait une illa. Wa la yunatu al-qiyas abadan bil-hikam. Jamais on ne traite le qiyas par la hikma. Car la hikma, elle peut être présente et elle peut ne pas être présente. Elle peut être présente et elle peut ne pas être présente. C'est pour ça que le qiyas, da'iman, inda ahl al-usul, yunatu bil-illa. C'est la illa qu'on prend en considération. Et si on prend en considération la hikma, on va perdre le hukm. Exemple, le jeûne, quand on est en état de résidence, on a dit, jeûner c'est quoi, une azima ou bien une rukhsa? C'est une azima. C'est une azima, c'est pas une rukhsa. Quand je pars en voyage, j'ai la rukhsa du iftar, il m'est permis de manger. Quelle est la illa du iftar? C'est as-safar. C'est safar. Et as-safar madinatul mashaqqa. Le safar, c'est une cause de mashaqqa. Madinatu, laysa bil qat'. C'est pas obligé qu'il y ait mashaqqa lorsqu'on part en voyage. Mais lorsqu'on part en voyage de manière majoritaire, ceci implique une difficulté. La sharia prenant en considération le cas général, al-hukmu lil ghalibi wa an-nadiru la hukma lahu. Le cas majoritaire, c'est celui-là que prend en considération la sharia et non pas le cas singulier et qui est rare. Donc la sharia a lié le iftar à la illa qui est le safar, qui est quelque chose que l'on peut délimiter et qui est quantifiable. Comme on verra nous, Arba Burud, 80 km, 76 minimum que certains disent. Celui qui dit, moi le iftar, je vais le lier à la hikma. Comme ici, ça a été fait pour le khouf, en disant que la illa, c'est raf'u al-mashaqqa. Non, ça c'est la hikma. Il va dire, donc dès qu'il y a mashaqqa, il y a iftar, et dès qu'il n'y a pas mashaqqa, il n'y a pas iftar. Et l'awam, tu trouves, il dit ça. Quand tu prends l'avion pour aller au bled où tu fais Valence-Lyon en voiture, et tu veux faire l'iftar, ils te disent, non, ma fiche mashaqqa. Ils te disent, il n'y a pas de difficulté. Il lie l'iftar à la mashaqqa. Mais le shara, il a lié l'iftar à la illa qui est le safar. et non pas la mashaqqa. Et de même, le cas contraire. Donc si jamais on met donc le iftar, qui est la rupture du jeûne, en lien avec la hikma, qui est raf' al-mashaqqa, on va dans certains cas dire aux gens, tu ne peux pas jeûner, donc quand il y a voyage, présence de la illa, mais absence de mashaqqa, qui est la hikma à la base, on va lui dire, mais ne romps pas ton jeûne, tu fais juste 100 km climatisé sur l'autoroute. Pourquoi est-ce que tu romps ton jeûne? Parce que Allah a lié à la illa qui est le safar. Et si on utilise la hikma, on va permettre aux gens de rompre leur jeûne alors que la illa n'est plus présente. On va entendre des gens, ils font fatwa comme ça. Ils disent, voilà, je suis maçon, je travaille 10 heures par jour, je suis très fatigué, j'ai soif au travail. Est-ce que je peux rompre le jeûne? Tu dis, na'am, wujidatil mashaqqa. Aftir. Il te dit, tu peux rompre ton jeûne? Dans le qasd, il va te dire comme ça, wa yu'allil bil hikma wa la bil illa. Et tu le trouves, il conditionne sa fatwa par la hikma du hukm et non pas sa illa. Et il dit, oui, il est permis donc de rompre ton jeûne si tu fais un travail difficile, et Allah il a permis au voyageur de rompre son jeûne car c'est quelque chose, une situation difficile. Wa hada ghalat kadhalik. Donc on revient à la fatwa, il a dit hadhihi al illa allati min ajliha شُرِعَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. Il dit donc cette cause pour laquelle a été légiféré le masḥ 'ala al-khuffayn. Et c'est pas en réalité la cause, c'est la hikma. وَهَذِهِ الْعِلَّةُ il dit وَهَذِهِ الْعِلَّةُ كَمَا تَرَى يَسْتَوِي فِيهَا الْخُفُّ أَوْ الْجَوْرَبُ الْمُخَرَّقُ وَالسَّلِيمُ وَالْخَفِيفُ وَالثَّقِيلُ مِنْ فِقْهِ الْعِبَادَاتِ page 108. Et il dit, et cette cause donc pour laquelle a été légiféré l'essuiement sur les chaussettes, il dit le jawrab, l'essuiement sur les khuf, pour laquelle a été cette cause pour laquelle a été légiféré l'essuiement sur les khouf, il dit la chaussette, elle est équivalente au khouf dans cette hikma-là. C'est vrai, quand on va essuyer sur la chaussette, ça enlève un peu de haraj, pas autant que le khouf du temps du prophète, mais ça en enlève un peu. Et il dit, et ceci donc, pour cette raison, la chaussette, dans toutes ses caractéristiques, qu'elle soit trouée, qu'elle soit pas trouée, qu'elle soit légère ou lourde, elle est équivalente au khouf. Et cette fatwa-là est tirée du livre Fiqh al-Ibadat, page 108. Wallahu a'lam. Fassi les shuyukh rahmatullah alayhim, ils ont apporté ce shart qui est mutaba'atul mashi, c'est pour éviter que ce qui est porté dans le pied se différencie du khouf connu. Dans le sens shar'i du khouf. Al-khoufu al-shar'i, in yatanawal al-khouf al-ma'ruf al-asli, wal-jawrab wa kullu ma yulbas. Le khouf, dans le sens législatif, c'est tout ce que l'on met au pied et on peut aussi continuer de marcher avec. Nous, pourquoi on l'avait pas cité ce charte-là? Parce qu'à la base, ça ne se cite pas. Et dans les savants du mantiq qui traitent les définitions, ils disent, pour eux, c'est pas bien de entrer, donc les conditions dans une définition. C'est pour ça que nous, quand on a dit le khouf, as-satiru, li mahal al-fard, min jildin, wa nahwihi, on n'a pas dit wa yumkinu mutaba'atul mashali. Parce que ça, on va le prendre dans nos sources, dans les textes. C'est pour ça qu'on ne donne pas cette condition dans la définition, mais elle en fait partie. Wallahu a'lam. Bon, pour être concret, par rapport à l'essuiement des chaussettes, parce que par rapport à l'essuiage des chaussettes, peut-être ça en a troublé certains. Wallahu a'lam. Il est demandé de prendre des précautions pour son adoration. Notamment, la purification, les ablutions qui sont une condition pour la prière. Donc celui qui prend la fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayhima, wa ma adaraka ma huma, ce sont deux montagnes de notre époque. Et peut-être que beaucoup d'autres aussi ont ces fatwas-là. Mais celui qui veut jouer la sécurité, Allah alam, qui ne suit pas là-dessus, c'est la parole écrasante des premiers dans les premiers siècles. Fa Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.